pretty tight since we haven't played it with each other for 20 years. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock 4 Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 avec Phil et Tom. Salut, bonsoir, bienvenue, comment allez-vous? Nous sommes en direct sur Radio Biz. Et en différé sur metal-invasion.fr. Bien, on salue donc Monsieur Eric Flynn. Ce soir en direct et on salue Monsieur Sydney également en différé. Donc il nous écoute peut-être aussi en direct. Hein. Oui, vous, il peut également. Hein. En tout cas, pour tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on tenait à vous souhaiter une très très très très bonne année remplie de métal en fusion. Et ce soir, nous avons commencé avec une triste nouvelle puisque Monsieur Fast Eddie Clark, ex-guitariste de Motorhead et de Fastway, nous a quittés, malheureusement, hier, mercredi, à l'âge de 67 ans. Il était à l'hôpital pour une pneumonie et il nous a quittés. Donc ce soir, on a essayé de lui rendre le hommage le mieux du mieux possible avec un extrait de ses solos en répétition de l'époque Motorhead. Voilà, donc on est vraiment triste ce soir. Monsieur Edward Alan Clark, puisque c'est son vrai nom, nous a quittés. Et c'est vraiment avec grande tristesse que nous avons appris la nouvelle et que nous nous joignons à la famille, aux amis, parce que des amis, il en avait quand même un bon paquet. D'ailleurs, les musiciens actuels de Motorhead, enfin de feu Motorhead, ont tous eu un petit mot pour lui et c'était assez touchant. Il a été dans Motorhead de 76 à 1982. Voilà, donc sur les albums emblématiques du groupe, les albums qui ont fait foi et qui ont fait loi, comme Ace of Spades, Overkill, Iron Fist. Enfin voilà, c'était paix à son âme. Repose en paix, Monsieur Fast Eddie Clark. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Amenra. Il amènera quoi? J'en sais rien, mais en tout cas, ça doit être de la fureur. Il amènera surtout de la musique le 13 janvier à Paris, du côté de la Gaîté. De la Gaîté quoi? De la Gaîté Lyrique. Ouais, parce que j'allais dire après la Gaîté Montparnasse, mais ça va être compliqué, je pense. Non, c'est la Gaîté Lyrique, puisqu'ils seront en concert voilà, là-bas, et ça sera à partir de 20h. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, rien de spécial, sauf que ce soir, c'est une émission 100% zik nouveauté, avec bien entendu pas mal d'actu. Mais nous allons commencer dans le pays du soleil levant. Il s'agit du Japon, avec un nouvel album des Japonais de Loudness. Loudness qui nous revient avec un double album qui s'appelle Rise to Glory. Et ce soir, je vous présente le titre Soul of Fire. Ça sortira le 26 janvier chez ERR Music. Et voilà, et c'est un sacré album que j'ai écouté cet après-midi puisque je l'ai reçu vraiment en fin de soirée. Et je me suis dit, rien de tel pour commencer cette émission avec Loudness. Voilà, c'est pour toi, c'est un cadeau avec Monsieur Akira Takasaki. Hein, à la guitare. C'est un cadeau pour toi, mon cher Tom. C'est gentil, Phil. Alors, je sais plus s'il y a Minoru Ihara encore dedans, je sais pas, mais en tout cas, bon, voilà, un album, je sais pas si ce sera un classique, en tout cas, ça a l'air d'être un bon album qu'il va falloir que j'écoute plus en profondeur. Nous enchaînerons ensuite avec Audrey Horn, qui nous a sorti son dernier album, qui nous sortira son dernier album demain. Ouais. Et il s'appelle... J'ai pas de nom sous moi. Bah si, comme l'album de Scorpion, Blackout. L'album emblématique de Scorpion, Blackout. Et le titre s'appelle Aude Révolution. Ils ont fait un petit jeu de mots. Aude Révolution, Audrey Horn, Aude Révolution. Bon allez, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Ça a sorti chez Napalm Records. Il y a 12 titres sur la version limitée. C'est un sextet de hard rock qui s'est formé en 2002. Ils nous viennent de Norvège, de Bergen exactement. Ils seront en concert le 20. Au Petit Bain. Oui, au Petit Bain. Donc 06 81 01 28 34. Voilà, si vous voulez. Tiens, aller, en voilà. Parlant de Bergen, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à DX. Oui, Niklaus. Ouais, voilà. Niklaus Bergen. Yeah. Bah, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de. De Julien. De Julien. De Phil. De Juju, de Mi. De Mi également. Voilà. Hein de ma filleule. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cynthia. Donc, Cynthia, une ex du Rock for Show. Ah, voilà. Bon anniversaire à toi, Cynthia. Donc, si bon anniversaire. Elle est sur Radio Canu à Lyon maintenant. Donc, on la salue bien fort. C'est son anniversaire. Enfin, il y avait plein d'anniversaires encore aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Hervé, qui est à Amsterdam. Ouais. Et puis, donc voilà, donc c'est l'anniversaire de plein de gens. Enfin bref, on leur a cité. Gérard Foy de Eternal Flight. J'ai rarement Foy, mais j'ai rarement. Non, là c'est pas Gérard Foy. Gérard Foy d'Eternal Flight. Et puis, il y a plein d'autres gens. Donc voilà, on vous salue bien bas et bon anniversaire. Fêtez-le. Happy birthday to you, metal. Happy birthday to you, metal. Happy birthday to you, en metal. Voilà. Et bonne année encore. Et bonne année, ouais. Nous allons continuer avec un autre groupe qui nous vient d'où, celui-ci, mon cher Tom. T'as ton papier ou pas? Oui, j'ai mon papier. Il nous vient d'où? Inquisitor, qui nous vient justement d'Amsterdam. Non, pas Amsterdam, mais Anderwijk, juste à côté Pays-Bas. Voilà. Exactement. Hein. C'est un groupe formé en 92 avec une séparation en 96. C'est un quartet de death metal. Ils nous viennent avec un titre Hammerhead. Non, du tout. Ouais, justement, du tout. Mais non. Ça, c'est toi, là. Tiens, le titre, c'est toi. Regarde ce que ça veut dire, le titre. Non. I'm sick, I must die. Voilà. Et le titre de l'album, c'est Stigmata Me, I am in misery. Sorti chez Hammer Heart Record le 19 janvier prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que c'est du bon. Ouais, c'est du bon, c'est du bruit, c'est du brutal. Et c'est pour vous ce soir dans le Rock for Show. Alors écartez bien, ouvrez bien vos oreilles et prenez à pleine bouffée d'oxygène et de métal en fusion le Rock for Show. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est pour vous, la Hotness. 06 81 01 28 34. Day by vient ce soir. Oh my god! My god! C'est Sailou! J'ai envie. Je sais pas, ça m'excite. Moi, quand c'est Sailou qui chante. Et Sailou sera en concert au Bus Palladium. Oui, le 13, c'est-à-dire ce week-end. Samedi! Voilà, bah, y en a pas mal de concerts. Hein, samedi, il y aura Vatain également. On les a pas passés, non? Pas encore? Non, pas encore, c'est après. C'est après? C'était pas obligé. Enfin. Bah si, je leur dis tout aux auditeurs. Bah, sachez que le concert de Vatain est complet. Hein. Par contre, celui de Sailou, non. Donc vous pouvez aller celui de Sailou si vous n'avez pas de place pour aller voir Vatain. Parce que la semaine dernière, on a fait gagner des places pour Vatain. Mais là, il n'y en a plus, hein, les enfants. Donc ceux à qui j'avais dit que peut-être j'arriverais à en revoir, j'en ai pas eu. J'en ai pas re-eu. Qu'est-ce qu'on a écouté, mon cher Tom? On a commencé avec Loudness, les Japonais. On a continué avec... Ori, Old Way Home. Oui, et on a fini avec Inquisitor. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Eh bien, nous allons continuer dans... Son album s'appelle Motel, ils sont venus chez nous, Sailou. Ça, tu parles de Sailou. Sailou est venu chez nous. Et elle a fait une session acoustique et retrouvez-la sur la page Facebook du Rock for Show, ainsi que le podcast de l'émission sur le site archive.org. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Et donc, nous sommes diffusés sur Radio Biz et sur... Meta-invasion.fr. Voilà. Monsieur Sidney. Salut à nous tous. Nous pensons à vous ce soir. Et monsieur Eric, pareil. On va essayer un jour d'oublier Eric. Merde, on va s'enlever. Non, pas bien. Non, faut pas oublier Eric. Non. Faut pas, c'est pas bien. Nous allons continuer dans les nouveautés, surtout dans les concerts, parce que c'est pas trop une nouveauté, le groupe qu'on va vous passer tout de suite. Alors, j'ai pas choisi le morceau que tu voulais absolument passer la semaine dernière. Non, c'est pas... on l'a passé. Oui, on l'a passé. Non, on l'a passé en fond sonore la semaine dernière. Oui, oui, oui. Et puis, on l'a partagé sur la page Facebook vendredi. Exactement, c'est pour ça que j'ai voulu changer. Au moment du podcast. Exactement. Et c'est pour ça que ce soir, ce sera le morceau Legend of the Astral Hammer. Vous avez tous deviné de qui il s'agit. Il s'agit de Glory Hammer qui seront en concert avec Civil War, que nous allons passer également. Power, metal, érotique, héroïque, fantasy. Érotique. Érotique, fantasy. Ça, c'est parce qu'il est. C'est un lapsus. Ouais, il a l'esprit dans la culotte, en dessous de la ceinture, le père Tom. Il y a le truc qui le démange. C'est les potards que tu dois toucher, hein. Oh, hey, ça c'est le manche à balai, ça. Si tu savais. Mon pauvre Tom. Oh là là, il le charrie. Alors, les Glory Hammer qui n'ont pas sorti d'album depuis un petit bout de temps, puisque cet album date de 2015 et il s'appelle Space 1992 Rise of the Chaos Wizards. Et le titre, donc on vous l'a dit, sorti chez Napalm Records. Il n'y a que deux albums d'ailleurs, je crois. Ouais, il n'y a que deux albums. Et le groupe sera donc en concert, où ça? J'ai pas marqué, Tom, va falloir que t'ailles chercher. De quoi, hein? Ça doit être Trabendo, je pense. Ça doit être Trabendo, Glory Hammer plus Civil War. On n'avait pas parlé? Bah, je sais pas, la semaine dernière, on a dû en parler. Mais là, je l'ai pas marqué, donc désolé les enfants, hein, pour le Power Metal Heroic Fantasy. Civil War, le titre qui viendra après, c'est Tombstone, un titre très chantant, très dansant, qui parle de western, c'est pas mal du tout. Pierre Tombale, The Last Full Measure, c'est sorti chez Napalm Records. C'est au Petit Bain. Ouais. Bon, bah, très bien. Et donc, la veille, ils seront mardi à Nantes au Ferrailleur. Très bien. Pareil, hein, pour Civil War, pas de nouvel album, c'est sorti en 2016 chez Napalm Records. L'album contenait 10 titres plus 2 bonus pour la version limitée. Ils seront donc avec Glory Hammer au Petit Bain, mon cher Tom. Petit Bain, grande piscine. Ouais, et 06 81 01 28 34, parce que pareil, on a des places pour vous à rafler. Si vous voulez aller voir, Glory Hammer et Civil War au Petit Bain le 15, ça doit être lundi. Oui, parce que le 16, c'est mardi, et le ben mercredi, oui. 17, ben oui. Et on sera Glory Hammer. Voilà. Exactement. Civil War, groupe formé en 2012, ils nous viennent de Suède, de Falun. Et non pas... bon, enfin bref. nous allons enchaîner ensuite avec des... Ils sont quoi? Ils sont d'où? Je me rappelle même. C'est des Suédois aussi, c'est Avatar. Mais oui, Avatar. Ils viennent de Göteborg plutôt. Göteborg. Gutenberg. C'est un quintet metal technique et maquillé. Ah oui, ça fait un peu penser à Gloryhammer. C'est pas maquillé dans le style, mais, mais Gloryhammer, c'est déguisé. Ah oui, c'est en super héros. En super héros de bande dessinée, presque. Donc ce titre Avatar, enfin ce groupe Avatar qui sera en concert. Le 12. Non, pourquoi je dis en concert? Ils seront peut-être en concert, mais je sais pas quand. Par contre, hein, si tu les trouves, peut-être qu'ils sont en concert. Hein, c'est possible. Je l'ai pas marqué. Non, c'est l'album qui est sorti, qui sortira demain. Oui, là, qui sortira demain chez Century Media et E1 Music. Ouais. Et l'album s'appelle comment? Avatar Country. Bien. Et le titre s'appelle comment? King's Harvest. Bien. Mais tu deviens pro, là, dis-moi. Ouais, des trucs simples comme ça, ça va encore. C'est vrai? Il y a combien de titres sur cet album? Voyons voir. Attention. 10. 10. Bien, bien, Tom. Alors là moi, je dis... le groupe s'est formé en quelle année? 2001, voilà. Bien. Bon, bah, écoute, t'as tout dit, hein, quasiment, sur le groupe. Ouais, c'est bien. On va pouvoir envoyer la musique, donc, du coup. Ouais. 06. 81. Bah, 01. Il y a un 2 et un 8, ça fait 28. Ouais, et ça se termine par 34. Voilà. Ça, c'est le numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos SMS. Et si vous voulez converser avec nous, vous allez sur la page Facebook du Rock for Show. Et sous l'annonce de l'émission d'aujourd'hui, bah, on peut converser si vous voulez. Allez, c'est parti, Music Maestro. Legend of the Astro Hammer. dark holiday, had a very lousy day. Coughed real bad, said someone has to pay. Big nose kid prayed for dark holiday. Oh, King Corral, they were there to give them hell. The three brothers served, this could never end up well. Legends foretell, but old King Corral. So down in Fancy, we tombstone again. There were rifles and guns, there were cowboys for fun. Show down in Fancy, we tombstone, my friend. These were tough boys to break, three more coffins to make. No one cared, no one cared. Who we die, who we leave, who we piss on your grave. No one cared. Right, many outlaws have to die. Seek and destroy, let the lonely widows cry. It's ended a time, so ride, Sheriff, ride. Yep, yep, yep. Dark holiday, had a very lousy day. He followed his friends, it's the brotherhood of men. His nose kid cried for dark holiday. A showdown in Fancy, in Tombstone again. There were rifles and guns, there were cowboys for fun. A showdown in Fancy, in Tombstone, my friend. These were tough boys to break, three more conflicts to make. No one cared, no one cared. Who we die, who we live, who we piss on your grave. No one cared, no one cared. There's no law, there's no order, this is man's land. Die, die, say goodbye. I'm gonna leave you for a while, honey. I'm gonna spend some time Tu fais pas trop mal aux oreilles, toi, ça va. C'est vrai. Moins que Vataïne. J'admire, comme dirait l'autre, j'admire ceux qui écoutent Vataïne. Voilà. Bon. Eh bien, il y en a beaucoup, hein, puisque le concert est complet. C'est samedi soir, et c'est au... je sais plus où. Tramendo ? Ouais, Tramendo, peut-être. Je ne sais pas. C'est pas impossible. Gloryhammer, c'est ce que vous avez écouté juste avant. Ça, avec, c'était bien, ça. Civil War. Ça, c'est un concert lundi, ça. Oui, avec Civil War. Et il y avait également Avatar, juste avant qu'on reprenne l'antenne. Et maintenant, c'est Fatain que vous entendez en fond sonore. Un groupe cher au cœur de Tom. Je kiffe. Tu kiffes grave. Voilà, donc le concert est complet, on vous en parle pas plus que ça. On va enchaîner sur des nouveautés. Encore des nouveautés, mon cher Tom. Je vais te laisser les présenter d'ailleurs. Sonic Prophecy pour commencer. Oui. Avec leur album Savage Gods. C'est du power metal. Yes, c'est leur troisième album. Il contient 10 titres. Ils sont formés en 2008. C'était pas juste après les JO, ça ? C'est possible. J'en sais rien parce que j'ai pas le mois. Donc c'est l'année des JO, tu veux dire, après les JO. Ouais, c'est ça, c'est, hein, 2000, c'est 2008 sur Salt Lake City. C'est possible. Donc ils nous viennent de Salt Lake City, exactement. Chez Rockshots Records, troisième album du groupe, 10 titres. Non, c'est 2002, film. 2002 2008, c'est Pékin. Non, je sais plus. C'est Pékin. Non, bah non, c'est avant... Bon, je sais pas. En tout cas, le titre c'est Dreaming of the Storm et c'est une balade. C'était pour justement te reposer les oreilles après Avatar et Vatain, mon cher Tom. T'as vu, je pense à toi quand même. Ouais, merci, je suis un mec merci, sympa. Merci. Non, mais tu peux le dire que je suis un mec sympa ? Non. Puis tu es un mec sympa. Ah. Et tu serais sans que je te force. Hein. Tu serais cultivé, c'est Pékin 2008, film. Ouais, mais tiens, moi les JO. C'était les JO d'été, ouais. Voilà. Ouais, en plus en été, moi je suis sur ma chaise longue, donc. Ah, tu vois ce que je veux dire ? Ah, t'es devant le Tour de France quand même un petit peu, quoi. Non, pas du tout, non. Non. J'en ai fait moi du vélo, donc je sais un peu ce que c'est, mais non. Les seules étapes qui m'intéressent, c'est les étapes de montagne, bien sûr, comme quasiment tout le monde. Bah moi, ils sont passés devant ma porte. Oui, voilà. C'est vrai, cette année. Donc ceux qui savent où tu es, auront reconnu, ceux qui ne savent pas, bah, sauront pas. Voilà. Mais ouais, c'est vrai, ils sont passés en bas de chez toi. Ouais, j'étais bien, j'étais sur mon... Tu leur as fait coucou. J'étais devant ma fenêtre et puis voilà. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Tout. Bon, et à part ça, tu nous racontes quoi dans ta vie ? Qu'on écoute du métal. Ouais, voilà. Mais y a nos amis là qui arrivent après. Ouais. Les amis qu'on devrait retrouver derrière un micro prochainement. Oui, mais on a déjà vu, enfin on a déjà reçu un membre du collectif, parce que c'est un collectif. Oui, c'est collectif. Un gros collectif. Mais est-ce qu'on les retrouvera un jour tout le collectif ensemble en concert ? Ah oui, normalement c'est prévu. Enfin, c'était prévu, puisque pour la release party, il devait faire un petit concert au Feel Good. Oui, mais bon, les trois membres. Oui, il y aurait eu les invités, à mon avis, il y aurait eu pas mal de choses, quoi. Donc là, je parle d'avoir tous les invités. Quoi. Je crois pas tous quand même, parce que là, surtout sur le deuxième album, c'est un double CD. Le groupe s'appelle Causdal Division et ils nous sortent un nouvel album. Tiens, j'ai même pas marqué le titre, c'est con ça. Ouais. En tout cas, le titre qu'on va écouter, c'est Narcosis avec LFT. On vous l'a déjà passé. LFT. Ouais, je crois qu'on l'a déjà passé, il me semble, ce morceau, c'est marrant ça. C'est leur deuxième album, comme on oui, disait. Oui, hein. Chez Season of Mist, il sortira demain. Voilà, double CD, Digipack. Donc c'est un trio à la base, un trio de trash death avec plein d'invités. Le groupe s'est formé en 2016, ils nous viennent de... Nîmes. Exactement. Des arènes. Voilà, sud-ouest. Nous enchaînerons ensuite avec Greber. Alors eux, ils nous viennent du Canada, de l'Ontario exactement. Puis on salue les Canadiens. C'est où l'Ontario dans le Canada, Phil ? Parce que tu viens de parler là, de Nîmes. Là, ici, regarde, c'est là. Tu viens de parler de Nîmes en France, qui est presque à la frontière italienne. Au sud-ouest. Pour les Canadiens, on va leur dire que c'est presque à la frontière italienne. Et voilà. L'Ontario, c'est là sur la carte. Tu vois là ? Mais moi, ça me dit pas grand-chose. Est-ce que tu le vois là, au bout de mon doigt ? Hein ? C'est pas possible, celui-là. Donc, voilà. Donc Grimer, qui est formé en 2010, leur troisième album, ils viennent du Canada, comme on a dit, c'est un duo de sludge hardcore doom metal. Voilà. Et ils sortent leur album... Ils ont sorti. C'était la semaine dernière. Ouais, le 2. chez Pink Limonade Records. L'album s'appelle Cemetery Preston et le titre que nous avons vous proposé ce soir, c'est Prophétique. Exactement. Troisième album du groupe quand même. Hein. Oui, et puis on trouve un peu de nom dedans, c'est ça, Phil ? Ouais, en fait, on retrouve le batteur de The Great Sabatini. Alors, je connais pas trop Great Sabatini. Il s'appelle Steve Vargas. Et on retrouve également le bassiste vocaliste Marc Bourgon. Ouais, c'est Bourgon, ouais. Fuck the Fact, qu'on vous avait déjà passé dans l'émission, que nous avait envoyé justement John Asher. Salut John. Ouais, on salue John parce qu'il est sympa, John. Ah, il est sympa, John. Mais c'est lui aussi qui nous avait envoyé Sonic Prophecy. Yes. Ouais, et puis il nous a envoyé d'autres sympa, trucs qui vont suivre dans l'émission, vous allez voir. Et Vatain, c'est lui aussi. Non, Vatain, c'est pas lui. C'est eux, je leur dis pas sympa, John. Non, Vatain, je sais plus, je sais plus qui c'est Vatain. Season of Mist, non ? Non, je sais pas. Non, ça te dit pas. Je crois que c'est Season of Mist. Je sais plus, est-ce qu'on a marqué ça quelque non, part ? Non, c'est pas marqué là. C'est pas marqué. Tu ne l'as pas marqué. T'as pas marqué dans tes archives de la semaine dernière ? Ah, j'ai pas mes archives de la semaine dernière sous mes yeux. Voilà, il garde rien. Faut que je lui dise tout en fait. Ouais, j'avance. Ouais. Il me semble que Vatain, ça doit être. Si ce n'est ça, c'est donc un label frère. Bon. On envoie la musique, c'est ça que tu veux me dire ? Ouais. Donc on commence tout de suite maintenant, sans plus attendre, avec Sonic Prophecy. On continue avec Coastal Division et on se retermine avec Grabber et on se retrouve tout à l'heure. Hey 06 80 01 28 34 ou Rock for Show sur Facebook. We'll be right back. Dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. T'as vu ça rime, Tom? T'as vu? C'est beau? Non? C'était Sonic Prophecy, suivi de Causal Division, et on a terminé avec... Ah, d'accord, il coûte non, plus. Non, je te laisse. Bah alors, c'était qui le dernier groupe, là, que t'as aimé? Tu m'as dit, putain, ça kiffe grave sa mère, ça. Gerbert. Ouais, il a gerbé dessus. Ça a pas du tout, ça. Allez, est-ce que vous entendez en fond? Non. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est pas possible. Arch Enemy qui seront en concert très bientôt au Bataclan avec Tribulation et Winterson. Ce sera exactement le 23 janvier à Paris, mon cher Tom. Voilà, t'es content? Oui, je suis très content. Comment s'appelle l'album de Arch Enemy, le dernier, qui est sorti au mois de septembre, je crois? The World Is Yours. Non, mais c'est non, le titre, n'importe ça, quoi. Qu'on entend. N'importe oui, quoi. Bien sûr, mon fils. Mais pourquoi tu me dis n'importe quoi? Bah oui, ça s'appelle mais pas comme ça, le nom de l'album. L'album s'appelle Will to Power. Power, sorti chez Century Media. Et The World Is Yours, c'est le titre qu'on entend que actuellement entend. Derrière. Tout voilà, à fait. C'est de celui-là, ils nous viennent d'Amstad. Amstadt. Voilà. Et ils seront en concert. Ça y est, je viens de le dire. Oui, le 23 janvier. Exact. Ouais. 06 81 01 28 34 pour avoir des places. Bien sûr, voyons. Allez, nous allons continuer avec des nouveautés encore et toujours des nouveautés. Et cette fois-ci avec Maiden Hagen, avec une ça, chanteuse. Ça, j'aime bien ça. Ouais, ça, j'aime bien, je crois. Juste la chanteuse, le reste, je m'en fous. Ouais, ouais. L'album s'appelle Catharsis, comme le nouveau Machine Head de la semaine dernière. Hein? Yes. Et le titre que l'on va écouter, mon cher Tom? Whispers in the Dark. Exactement, ça sort, c'est sorti le 5 janvier dernier chez No Remorse Records. L'album fait 11 titres. C'est un quintet de metal symphonique, bien entendu. Ils se sont formés et pas d'info. Hein, et pas d'info, mais quoique, on ne sait pas. Hein. Peut-être d'info aussi, la chanteuse, on ne sait pas du tout. Et ils nous viennent d'où? Ils nous viennent de Grèce, d'Athènes. Exactement, mon cher Tom. Ils allument la flamme. Et nous enchaînerons encore avec un groupe grec. Septiflèche. Exactement. Avec son album Codex Omega. Et le titre que je vous propose, c'est Sub Testament. Exactement. Et ils seront eux aussi en concert, mon cher Tom. Ils seront en concert à la machine du Moulin Rouge avec Inquisition le 20 janvier prochain. Et leur album est sorti au mois de septembre l'année dernière. Pour information, c'est 10 titres et un quatuor de death gothique formé en 1990. Bah voilà, t'as tout dit, j'ai plus rien à faire, c'est très bien, je vais aller me coucher. Mais avant si, ça, y a encore un groupe je vais vous annoncer Summoning. Alors je sais plus s'ils sont en concert, il me semble que oui, mais je suis pas sûr. En tout cas, sachez qu'ils sortent, ils ont sorti leur album pareil la semaine dernière, le 5, et qu'il s'appelle With Doom We Come. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, s'appelle Air Humor. Yeah. Tu dis ça comme ça, toi? Ouais, je sais pas, ça avec un H, un E, un R, un U, un M ou un R. Pour moi, ça fait Air Humor. Non. Huit titres chez Napalm Records. Hein, c'est du black épique et collégramme, bourré ratatam. Le groupe s'est formé en 1993. Ils nous viennent d'Autriche, de Vienne exactement. Alors, advienne que pourra, mais pour l'instant, nous allons écouter de la musique. Yes, on écoute quoi du coup? Bah, tu rappelles ou pas? Un titre, ouais, c'est un titre de du groupe là, Maiden Again, que t'aimes bien. Oui, allez. Ouais, bien ça. Maiden Again. 06 80 01 28 31. Yeah. accepte, mon grand. Les Allemands sont de retour à Paris. Ou n'accepte pas. Non, non, moi j'accepte, j'accepte. The Rise of Chaos, ça c'est l'album sorti chez Nuclear Blast le 4 août dernier, du heavy metal. Le groupe a été formé en 1968, j'avais un an, tu te rends compte? Ouais, j'avais moins 50 ans. t'étais même pas dans les couilles de ton papa. Même pas. C'est dingue ça. Je crois qu'il y pensait même pas. Je me demande si même ton père était dans les couilles de son père. Ah si, si, parce que mon papa est quand même un peu plus âgé que toi. Ouais, quand même un petit peu. Bon, allez. Pas beaucoup, mais un petit peu. Le groupe nous vient de Solingen, ils seront en concert et j'y serai. Oui, le 1er février à allez, Paris. Allez, Montmartre. Lisez Montmartre avec Night Demon. Yes, voilà. Night Demon. Donc désolé, enfin non, on sera là quand même, il y aura quand même le Rock for Show. Mais on vous l'annonce, hein, l'émission sera enregistrée la veille. Pour les auditeurs de Radio-Québec.biz, l'émission sera en différé. Et pour les auditeurs de Metal Invasion, bah, ça ne changera pas de d'habitude. Non, ça ne changera rien. Chose, voilà. Voilà. Donc nous avons écouté, mon cher Tom, un truc qui t'a bien plu, c'était Maiden Again. Yes. On a enchaîné avec Septic Flesh, ça t'a un petit peu moins plu. Ouais. Et puis on s'est endormi avec Summoning. Ah bah là, on s'est vraiment... Il y a un moment donné, on s'est même dit, putain, on reprend. Pas l'émission. C'était la berceuse. Hein. Ah ouais, non, ouais. C'était... Ouais. C'est un peu mou du genou quand même, hein, Summoning. Ce soir, c'est très calme, on est très mou du genou. C'est peut-être la préfète, les soldes pour la France. En tout cas, moi, je suis crevé. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis complètement crevé, lessivé. Et le pire, c'est qu'on remet ça ce week-end. Oh là là là là là là là là là là. Mais en même temps, si je cherche les ennuis... Si je cherche les ennuis... Non, si je cherche, je trouve. Hein, ah bon, c'est vrai ouais. Non, mais je vais surtout aller faire les soldes, tiens. Je vais aller me chercher un transat en solde. Je crois que je vais trouver ça. Ou un lit portatif en solde. Un igloo, parce que c'est solde d'hiver. Un igloo. Un igloo. Un igloo, ouais, un igloo, si tu veux. Chercher un igloo. Bon, Magic Touch, ce sera le prochain groupe que l'on va écouter, sorti chez Edged... Jake quoi Circle Prod. Voilà. C'est sorti la semaine dernière, le 5. Il y en a des albums qui sont sortis le 5. Hein. Ils nous viennent aussi de Bergen en Norvège. Yes, yes, yes. Formé yes. En 2015, c'est du hard rock. C'est 10 titres cet album. Qui s'appelle, bah, l'album. Qui s'appelle l'album. Il s'appelle. Blades. Alors, il s'appelle Watch Blades. And Fire. Attends, je te le refais. Il s'appelle Blades, Chains, Whips and Fire. Et le titre que l'on va écouter, mon cher Tom. Under the Gun. Oh, il m'a touché. Oh, mais je peux plus annoncer. C'était une Magic Touch. Bon, bah, je peux plus annoncer. J'annonce plus rien du tout. Je ne peux plus annoncer la suite, du coup, tu vas être tout seul. C'est bête, c'est ballot. On entendra derrière Raven Black, sorti de leur album EP même, du même nom, Raven Black EP. Avec le titre The Smoke, c'est un autoprod, c'est sorti en juillet 2017. Et dis-moi, mon fils, t'as été très loin là. Du non. Moins, John, tu te réveilles un petit peu. Ouais, là, mais t'as vu d'où vient le groupe? Oui, justement, c'est pour ça que je dis John. Mis John le temps. Asher. Ça, oui, non, c'est pas John qui l'a envoyé, justement, c'est le groupe eux-mêmes. Ah, c'est d'accord. Raven Black qui nous a envoyé leur EP. On les salue. Ils nous viennent de Montréal, au Canada. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, effectivement. C'est venu en cargo, ça va être ça. Ça date de juillet 2017, mais on vient seulement de le récupérer, je crois. Hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Donc tu vois, c'est tout frais pour nous, mais même bien que le groupe est. C'est un peu raciste quand même. Hein. Bah, moi j'aime bien. Tu vas voir, je crois que oui, tu devrais bien aimer Raven Black, oui, c'est oui, pas mal du tout. C'est dans la lignée Stoner. Voilà. Yes. Stoner Rock. Nous enchaînerons ensuite avec Gina Barry, Urne. À tes souhaits. Alors, ça doit être du je ne sais pas quoi. C'est du finlandais. C'est du finnois. Du finnois. Hein, ça nous vient de Finlande, c'est du finnois. Et ouais. Donc, le titre s'appelle Ereshkigal. Ereshkigal. Je sais pas ce que ça veut dire. In the Cremation Ground, c'est l'album sorti chez Helter Skelter. Regan Records. Ça sortira le 26 janvier. Mais ça sortira parce que c'est pas ressorti. Non. Et nous viennent effectivement de Finland. Allez, on envoie la musique. À moins que tu veux que je dise qu'on a des places pour Therion à gagner. Ah ouais, on a ça. Ouais, on a des places pour Therion. On est très Therion ce soir. Trop. Eh ben 06 81 01 28 34 et vous nous dites bah tiens, Therion a repris des chansons d'une chanteuse française qui est décédée. De qui s'agit-il ? D'ailleurs, hommage. Hommage. Mmh. Oh, désespoir. Oh, vieillesse ennemie. Friend, you're always from my eyes. Hey, my friend, I'm wasting your lies. So, have to explain nothing will be the same. Never again can we liberate from despair. Eh, c'est pas cool ça? Hein? Ah, c'est très. Eh, ça change, hein? Ça change de ce qu'on a écouté. Qu'est-ce qu'on a écouté d'ailleurs? C'était un peu trash la transition, mon cher Phil. Mais ouais, j'aime bien ce genre de. Ah, tout à l'heure, déjà, on a eu une belle avec Saïlou. Ouais. Et là, on a encore une belle aussi. Ouais, non, mais ça, j'aime bien. C'est la Magic Touch. Voilà, Magic Touch, c'était le premier titre qu'on a écouté dans la série des trois. Raven nous Black avons... et Cinnabaré Urne. Voilà, et là, c'est Cotton Bellies qui seront en concert le 10 février au Festival Blues à Épinay-sous-Sénart. Il y a plein d'autres concerts, on vous en reparlera en moment venu, puisque c'est à partir du mois de mars après. Mais sachez que, bah voilà, Cotton Bellies, si vous aimez ce genre de musique, eh bien, vous pourrez les retrouver en concert, plutôt dans les festivals blues, Cajun, des choses comme ça. Sachez que c'est sorti chez Cabane Prod le 24 novembre dernier, distribué par Do It, nos amis de Do It, que l'on salue bien bas, Sarah et Chris, et puis toute l'équipe qui travaille également derrière. Voilà. On va continuer avec des nouveautés, mon cher Tom. Il nous reste oui. Combien de temps, là? Un petit quart d'heure, 20 minutes? Il nous reste un bon 20 minutes, un tout, bon compris, 20 minutes tout compris. Alors, 25 minutes, tout compris. Nous allons commencer avec Red Stones, que j'ai reçu hier. Un beau CD que j'ai reçu hier, qui sortira le 16 février seulement, bien que la production ait été faite en 2017. Comment s'appelle l'album, mon cher Tom? C'est un peu comme toi, ça. Up and down. Oh Up and Voilà, c'est ça. Up and down. Et le titre... Ça fait trois fois que je le dis. Mais oui, je sais bien. Mais Thousand Light, ça c'est moi, ça. Thousand Light. Ouais, toi, t'as pas la lumière à tous les étages quand même. Si, j'en ai mille. Non, c'est pas normal ça. C'est une auto-prod sortie chez Nîmes Production. Mais ils viennent d'Alsace, hein, donc. Oui, voilà. Oui, ce sont des Alsaciens. C'est le premier album. Donc, chez Nîmes, tu oublieras. Oui. Elle est bonne celle-là. Oui, NYM. Ah, je préfère. Et c'est un quartet de rock and roll. Enfin, vous allez voir, c'est rock un peu électro, hein. Comme yes. C'est ça, c'est assez frais, c'est assez sympa. Et il y a un premier clip qui est sorti sur le morceau The Soldier. Ce n'est pas le morceau The Soldier hein, qu'on vous passe ce soir, mais vous pourrez donc aller voir. Non, parce que The Soldier c'est toi et moi c'est Southern Lights. Exactement. Donc allez voir mon clip The Soldier sur toutes les plateformes où il y a des clips. Voilà. En tout cas, très très bien. Moi, j'ai été bien surpris par ce groupe et si je le passe ce soir, c'est que ça m'a bien botté et que bah voilà, plutôt que de l'oublier dans les tréfonds. Des choses que l'on reçoit, que l'on met dans un carton, eh bien on écoutera ce soir donc Red Stones. Nous continuerons avec Tribulation, on vous en a parlé tout à l'heure, puisqu'ils seront en première partie de Arch Enemy. Ce sera... Alors attendez que je me rappelle, Arch Enemy, c'est bientôt, hein, puisque ce sera le 23 janvier au Bataclan. Avec Tribulation et Winterson, bien entendu, et Ginger également. C'est des Suédois, ils nous reviennent d'Arvirka, formés en 2001. C'est du Black Doom, 9 titres à leur actif sur cette galette sortie chez Century Media. Enfin, qui sortira. Oui, sort le bientôt. Le 26 janvier. 26 janvier, voilà. Voilà. Chez Century Media. L'album s'appelle Down Below. Oui, et le titre, c'est The World. The World. The World, c'est le titre qu'on va écouter. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Eh bien, on finira, parce qu'on se revoit tout à l'heure. Oui, on revient. On revient. Alors, on envoie la musique ? Ouais. Et sachez qu'il y a toujours des places pour aller voir Therion, hein, à l'endroit où on vous l'a dit tout à l'heure. Et c'est le 16, le concert de Therion. Hein, donc, ça doit être mardi, c'est ça, mon cher Tom ? Je crois, ouais. Lundi ou mardi. Allez, musique, c'est parti. Forgot the party. Hope you will not forget me. You could say that you and change your name. You could say that you need me now. I would love you right now. You could. it's not a dream. Hope you are not a dream. A thousand lights break my lonely nights. A thousand lights. Coming tonight, oh my god, c'est Saïdou. C'est tout. Ouais, on, a, c'est on aime bus, bien. C'est ça. On aime bien le concert. Ouais, Bus Palladium, le 13 samedi. Voilà, et bien ainsi s'achève cette émission du Rock for Show, la deuxième de l'année de 2018. C'est beau ça, non? Bonne année. Bonne année à tous, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a écouté sinon juste avant ça? On a écouté Westones. Tribulations. Ouais, voilà. C'était pas mal ça, Redstones. Hein. C'était sympa, on a passé un bon moment. Bonne émission bien posée ce soir. Ouais. Et on va se laisser avec. Bon, on va retourner un petit peu dans les îles Féroé. Là, on va très loin là. Ouais, enfin, très loin, on va dans un pays froid, les îles Féroé, avec le groupe qui s'appelle Amféroé. Je sais pas comment ça se dit parce que c'est il y a des mots enfin des lettres un peu bizarres. c'est pareil hein, le titre du morceau essaye de me dire la Tvi Tvi Stenvendur Meldur. Si déjà tu dis ouais Edvendur Meldur Meldur Meldur Meldur d'accord et Tamsin Likam. D'accord, ok. C'est sorti chez ça, ça sort chez Metal Blade demain. Donc déjà, vous pourrez vous en faire une idée demain. Pourquoi mieux, t'as dit Tamsin Likam. Bah, c'est Tamsin Likam. Likam, c'est le nom du de l'album. Ah oui, exact. Hein oui. Et ils seront en concert au Glazart le 17 février. Oui, exactement, Phil. Ils existent depuis 2008. Ils ont leur propre label là-bas. Ouais. Et ici, c'est Metal Blade. Enfin, ouais. Ici en Europe, c'est Metal Blade. C'est en Europe et chez eux c'est Tult Weekend. Voilà. Super. Ouais, bon ben voilà, on vous a tout donné. C'est du Doom Metal Death Doom. Enfin, c'est ce qu'ils sont dit. Ouais. Bah vous allez voir, c'est très très lent, mais en même temps très lourd pour finir cette soirée. Et nous, on va aller se coucher parce que franchement, crever. Hein. Ils ont, de ce que j'ai vu, ils font du lyrique à côté de ceux. Donc ah ouais, c'est peut-être pour ça que c'est très lent. Ouais. Mais que, du métal, du lenteur, enfin, c'est un peu un multi-pod de beaucoup de choses. Quoi. Bon. Et ils chantent en Féroé. Féroé. Féroé. Ils chantent en Féroé. En Féroé. En Féroé. En Féroé. Hein, bon, ben nous, on va aller s'enfermer. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense? Hein? Allez. Oh, ferme-toi. C'était rock. C'était fort. Un petit peu moins que d'habitude quand même, et c'était chaud. Ouais, il fait froid dehors. Hein. Ouais. Allez. À la semaine prochaine, même lieu, même heure. Sur Radio Biz et Metal Invasion, metal-invasion.fr. Ça, c'est lundi soir, à partir de 20h30. Retrouvez le Rock for Show. On vous salue tous bien bas, portez-vous bien. Restez et l'invasion revient la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, on va vous déboîter les mandibules et les oreilles. Allez, bye bye. Ciao, bye.